Alors mes chers amis, elle a représenté Bino Bana Oyo. Il y a Victoria, elle est sonne, Dream Team, Dream Band. Hey hey, ma Oyo, ma Zokende Coupe du Monde il y a 2006. Alors avant la bande de présentation, mes chers amis, Nakotuna Bino, est-ce que ce qui balle et Toboki, est-ce que va te faire un terrain? Mais jamais, va te faire jamais terrain. Est-ce que ceux qui sont pas fanatiques, il y a Imana, Vita, Lupopo, Mazembe, Milima, Bakanibale, Nakana, Bango, est-ce que match est fini? Jamais de la vie, match est pour continuer. Alors, va petit, il y a Dream Team, Bangonde, Babani, Makamlava, Stade, Babani, Makamlava, Makamutu, Ozo, Yoka. Donc, quand nous avons créé ce monde des artistes à notre image, donc Bango, Bazalagi déjà. Alors, inutile, là, il y a trop, parce que ce sont dans l'obi, Makoboya. Ça, tout allait bien. Donc, l'obi va bien. Ah, et l'autre côté, alors il y a un aussi quoi, il y a le New York Times, Herald Tribune, Libération, il y a le monde entier, il y a le Japon, il y a le bon moment, Victoria, et là ils sont Dream Team, Dream Band. Ah, Chris Gorski, l'ingénieur des sons. Hey, sans plus tarder, mes chers amis, je te bannis présentation, ma petite année, la vraie, ça vient de à New York. Manhattan, à Brooklyn, avec ma grande salle à monde, Bazo Kopere, Michael Jackson, Koutazali. Ah, ça y est, aïe, à Victor Anifian, à Louta Kontunua, au numéro 1, Signora de Patra Womo, Ratakou. Alors, on a numéro 1 avec Taraye Mokote, Bazali 2 avec Koko Chomba, Oyo, Tolokotara Nanzela, les lois Zali valable. Au numéro 2, Zali Bongo, on a Noël Milandou, Otosomi, on a Koko Braza, Pakumpa. Alors, avec Taraye Mokote, avec Tarana Babi Mbonda, moi, on a Yapejo Wangongo, Wangenge. Au numéro 3, mes chers amis, je vous présente Adèle Okela, le jeune Oyo, avec Tarana Capodastre. Val parti au bénéfice de qui? Au bénéfice du numéro 5, Zali Bongé Bondaki, Bina Fila, Ropesa Nani, Ropesa, Ropesa Zozo Malaba, eau potable, à continuer à rester la ligne, aïe! En tout cas, Manta, Valère, en tout cas, moto, mes chers amis. Alors, numéro 6, Zali Bongé, on a passé Ngangi, Ngangi, Ngangi, Ngangi, Balater, Balater, Zali la Jean-Jacques Sete, Jean-Jacques Sete, Boutabas, Boutabas, Boy London, Yiftoum, Yiftoum, Yiftoum. Bye. titre Grévis et Mangoma, fondé de pouvoir Nakati Hollande, alors Petit Abel de Chat, Mazalaki na bande de touche. C'est dommage pour Mbaka Sahel et Yongololo. L'espoir s'est envolé. Benz Pétrole, les savants de la RDC. Alobaki Yango, Banganga Rabango Basiba Koufi. JDK Décor, l'architecte intérieur, a confirmé Kiyango. L'imbattable Tonino Fernando. Mambo de Panama, King Boys. Nyonso ya Victoria Namaboko ya Nzambe. Fondation Mundele, Etienne Mundele, le grand maître. Sami Djunga, Gustave Foudi, fondé de pouvoir. Edi Mobati, que Victoria Leyson, Aluta Kontunua, Victoria Certa, gloire à Dieu, Amen. Sauvez-moi, Aya Munganga. lele, Mariana, Mariana, oh, oh Mariana, lele lele, Mariana tala na zingi maboko na moto, Mariana tala na zingi maboko na mapeka, Mariana tala na te maboko na lokeko, Mariana vene vene vene, oh oh chérie, Mariana vene vene, oh oh chérie. Mariana, Mariana, oh, oh Mariana, lele, lele, oh mingebe, oh Mariana, kabuka, buma, Mariana, nakomi kwiti, kwiti, Mariana, kabuka, buma, Mariana, oh mingebe, oh Mariana, kabuka, buma, Mariana, oh kala murata, murata wa mutima. Oh Mariana, oh Mariana, lele lele, Mariana, Mariana, oh, oh Mariana, lele lele. Le président, le président, Vundi Bambi, PDG, MVB, maire de Tepemba. Oh, Petit frère propre, Ngama, roi de la forêt, mon paya pouki kosomba sambate. Bonge ton dynamiso bonti ya mama. Na koka peko la la teme ya mama. Oyo yanga mote mango e bouge. Eko mi ya malade. Bomba bomba mabe na yebisa na ya. Na komi komona na lula kayo. Na boy kokufa bule mwana mama. Yango na yeli bala. Solo na li solo na li doyo. Zala pembeni no kibako yoka. Washington ee. Tala sanza e kongala e kongengi saboli mwango. Chéri nanga ya sala emable na ina zoaye Fololo rosa, mote ya santa Sala nzambe ya ke la petite go Ma bele Mbongo lolaka ya ngoe komela ye Una na gombe ya salie Pacho panda, Claude Maluma Washington Bolingo Nazaire Washington Bolingo Nazaire Omo te matile la ma foto la talaka yo Leki ya mama Mo bolingo e chofe Nakanga mato ina na koyo kabansango Hoyo bako ye visa Oba ganye bolingo ango Washington Kirongi ya papa Ozala hata kupela nga kati ya lisano Nazaro kakala ya okola tala tala Sokina ye, sokina ye Oko prezante na nabato ongo ya o Chachino Claudia Bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, big tumona mwana mududu aye twende tumona Rita Bola la fille de l'an 2000 Canada Disongo eh qui vient se voilà Jean Charles Mwanga Na kosombela yo valore ya kilomoto ya Big Ben. Baje na yo na kati ya matomyo moyao. Ala menzambe ya pesa bato nyonso. Elo kopo kaka pesa bato te. Meye alinga kabisoto na kisa yango. Elo kopo te fidelite. Moya, moya, moya, moya. Moya na baba mongwe. Moya, moya, moya. Pesa Rémi Betazin Bote. Ah, Willy et Bondaki. Baza Fouloudi. Ah, Bila Djakou, Alinga Koloba. Djakou Libondas. Ali Bondate. Oya Bana Kine. Djakou Libondas. Libondate. Libondate. Djakou Libondas. Futanga besusi. bo salinga et ça en est le roté Adèle Okela Betami composé na lèl. PDG Serge Kassanda Circasse Hôtel et la Mali Kambo David. Noni, noni, ni savoir que balete, la pena lemba bolingo te oma. Noni, noni, savo la bolingo zipinga miso, na beti mbata na liboke asende na ebatite oyo. Rona na koni mateo. Chantal et Alandao, bon bon. Mimi mimi oh ma mimi mimi wow wow wow mimi mimi oh shum mimi mimi wow wow loko misi bolingwango kebolanza ngoe silikota linga koteza ngo pele moni mona eko miloko la kasa nzete Peko kende okola na kaka sheye Kaini Noni ye noni Oh ma Noni ye noni Wow wow wow wow Noni ye noni Oh shu Noni ye noni Wow wow wow Hawa yoke ye Yota linga talisote Kate dio tiki nga kota ya minda Talo timo lilo kati ya bolingo Baluka mokesi maotala nga minda no bolingo Na kopela Na komisemo ya deception ya bamure oyo baza nga bolingo Bako makolela Lana koni mateo Delfin gandu, diama ver Taman Banzusi Awa yoke iye Iyo talinga talisote Ena tate diyo tiki na poto ya mindao Talo timo lilo kati ya bolingo Baluka mokesi maotala nga mwinda no bolingo Nako pela Nako misemo Ya deception ya bamure oyo baza nga bolingo Bako makolela Nala konima Na bala na ni hiye Na bala na ni hiye Na bala na ni hiye Na bala na ni hiye Na bala na ni mimonga ka pe kolela mimo Roger ou tes idées mais quand tu n'as c'est pas ton folo le seul témoin mama yeah la bala nani Carmen Luis Kinzumba Kokila dans son honneur je me souviens et je pleure je m'en vais de ça et là comme une feuille morte Dodo Ndomba, maman on va la gambela Mbapo tiba yo ba lingo ba la mpwa ma Mimo Na bala nani ye ye ye Na bala nani ye yo Na bala nani ye Luveno el kalunda bonde la ye Mimo Na bala nani ye ye Desiremu ongolo takisa peleje angolebe ye Petina nga signora de patra beta ma signa kaukato Mbaye Lomu kamba na jite mkende ko ebisa onkle jonase mu kamba maye Mao Iye Quand on sonne l'heure, je me souviens et je pleure Jacques Kandé, Guy Kimvula, Serge Makobo, Zembo Oyo et Kobetama, Nakati à bloc commercial na Bandalungwa, chez Felibe, Hakim, Yalelo, Odette, Pêche Tonton Paul et Namezaf, Olidjo. Solo baninga bakomi kotu na minkolo na minkolo, na lekiye. Soki basomba liwana mbongo na kosomba kayanga iye Liwataro mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli Jipe kise kyungu, enjenia leson Solo baninga bakomi kotu na minkolo na minkolo Na lekiye Adomu tangi Soki basomba liwana mbongo na kosomba kayanga iye Neves dongo bafu Liwatalo mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba simaro Nako ike Ngambo sigarete mama Mutupe moina lalate Mvula na moina zoto nanga Komalanga atana yoki kombo na hiye na miso abato Na lekiye Benze petrole savant Soki batu ninga eske pe oye bi mwana oyo Na yenga niye Foto Joel, Beteke Hata babi misi ba karte postare ba preve na ba letre Na yenga niye Nakamati decision amai na miso sigarete wa motema Longi soare Joni Shonani Manoyo afinganga, manoyo atongonga Masusu babetenga, masusu bakananga Nako ike yo Nambo sigarete mama Na ko baza na mabele te kasi akolisa kaba na o obolingo osali na mabe na kotelela yo mise pola lekenzela bafutaka mosolo mbata na bote na yo ya mashie Denise Chimpaka, l'hypatite de l'an 2000, bien à mon lingana et c'est moi. Mariette, oh mama. Ngai Beatrice, oh Bea Popli, mala sinyanga. Kosala malamu na mokili oyo. Bama puta, bobanda kiko ya kozwa. Naba robe, naba jipe. Babi joué, ba soutien. Basa pato, lelo yonga mabe. Na babage, na defi sa kabino. Mamoto mabe. Clara de Bruxelles, J.P. Mbuku, Nixel X, Blandé Massoa, Kiti Malonda, Ange Tounani. Oh, oh, Bani Amoulo, yo, Makamwele Ngite, Nako Belela. Oh, oh, Bani Amoulo, yo, Makamwele Ngite, Nako Belela. Balandaki, balandaki, basuka wabio. Banza ki tembe nangalelo basuka na lazare. Oh, oh, bami amulo yo, belela elengite, belela ko belela, belela. Oh, oh, bami amulo yo, makambo elengite, na ko belela. Bikini na bino ya madusu botanda kina singa. Ekwe pa ya ba voisin, boya ko rekipere. Oh, oh, bami amulo yo, belela elengite, oh, belela na ko belela, belela. Oh, oh, bami amulo yo, makambo elengite, na ko belela. L'on connaît un vrai ami, oh, oh. Pendant les jours de malheur. L'on connaît une vraie femme, oh, oh. Pendant les jours d'adversité. L'on connaît un vrai copain, oh, oh. Pendant les jours de souffrance. Bami amulo yo, makambo elengite, belela, nako belela, belela. Bami amulo yo, makambo elengite, belela, nako belela. William Bondaki, Panza Fulu, Bina File, Kiwanzenza, Kilibayaye, Kari Kari Bonge, Kiwanzenza. Kana lande mamunena yakwe Jérusalema popole mukelenge o ezali seke ngai oyo nakochange kombo na nga die mpo na soni nyonso yo oyokisi nga ngai oyo nakochange face na nga nzambe nakokende bestetise babongisa ngai yo J'ai perdu des amis pour gagner ta confiance. C'est que femme veut, c'est que Dieu veut. N'a changé qui m'a Nicole n'a dit. Tu m'as trahi, on dit misi n'a yo. Oh lelo yo. N'a koki kondi mate, n'a son amoka. N'esika to bandaki, n'a koko tande pwanganga. Babe bisanga mémoire, pona bosana. Femme, il lui fallut que tu le suces et t'as blessé mon cœur d'une langueur monotone. Femme, un jour viendra, tu me diras je t'aime. Liam Semandombe, Kata Italico, au maître pape au courant, il y a longue histoire. Souba souvenir et zonga, kasi yo motote, ma belle kaki, bozo bana sala ki e liberté nanga, na pesa ki yo, lelo yo bebisi. Malou bomboka, Lili Koboy, Maman Vali. Ah, beaucoup le flash, Koumoutima. Nenge ye alula kayo, nenge yo kanisa kate, motindo yo salakaye, noniye, noniye. Cabato na marca con la salida. Antoine. Alors sur tel, Patunga Koso, ce fiable ange Panisse, Norbert Dabira et son excellence Edgar Ngesso, Totine Walembo, Cordon Cataras, Jean-Pépé Kapumba, Gigi Pamphile Lampoule, Martino Boncalo, Martins Exotique Milan, Zozo Malabae, Eau Potable. La jeunesse éternelle, Abetimo Gaboye, tous internationaux, Serge Ndondo, Nakata State, Guy Agécom, Alématique, Céline Ambrosio. Naïmo Beti Mbonda, Alila Nanga Pena Mbonda, yo yo. Naïmo Beti Lindanda, Alila Nanga Pena Lindanda, yo yo. Céline Ambrosio. Sanite maso sali ponanga Omoto nanga ibateki na wenza bitula bayama Ayaya, ayaya, boni mokili boye ho Mère Malou, première Ngai mobeti mbonda, nalela nanga pena mbonda yo yo Ngai mobeti linanda, nalela nanga sena linanda ye ye Sele Ambrosio, nabo sanite maso sali ponanga Omoto nanga ibateki na wenza bitula bayama Ayaya, boni mokili boyevo Di poule mon cher Florence, wo wo wo Florence, wo mi ma Florence, wo wo Florence, wo mi ma Mama Yaka, yaka, Usa la pembe ni nanga Natandele lo boko mise Voy kota la monte, me kota la nga Flora Akangela kamoninga nkanda boete Fongola lizita ya nkando latina loketo Lokola zigida mwana mama Simba se Bandwa zala kapate anzambele mboya boboto Bandwa kami meme makolo mitala boko tala ngala miso Bandwa kami meme makolo mitala boko tala ngala miso Nanya buki vino vya venanga oh mama Nemo soko zala kandeke Nelo toko yeba yango Memo sokozala kandeke, melo toko yeba yango mama. Ah, photo Joël, Tonino Fernando. Alors Florence Azali bina file kwa. Soki na lobi bako boya e. Florence, wo wo wo. Florence, we mi ma. Flora Akangela kamoninga kanda boyete Fongola lizita ya nkando latina loketo Lokola zigida mwana mama Flori mwana mputu Bandwa zala kampate Anzambele mboya boboto bandoko mi meme makolo mitala boko tala ngala miso bandoko mi meme makolo mitala boko tala ngala miso nani abuki bino vierge nana ho mama emoso kozala kandeke lelo toko yeba yango emoso kozala kandeke lelo toko yeba yango emoso kozala kandeke lelo toko yeba yango emoso kozala kandeke lelo toko yeba yango mama. Salut. na eloko te koboya yo boya kinga esalinga ikata tute nenge yo kanisaki motime pene donte mwa obanda kiko ebisanga nini eti memre comme un enfant qui est pour la première fois ne point se regarder l'un et l'autre banda qui combine là et se regarder ensemble dans une même direction en tout cas mi son abino mi belli et ton akala yangote Yomoni imani wata na proje nyonso na maye Mokanisa kina koti nga mayo Pona sikseto pona mbongo na yo Mubo sanike hena kola bien Nazima yele pe chanse Nalo baka tango nyonso Na kokende na kenda kate Yambala oyo esilie Alors, Bino va PDG à Paris, PDG Kamski, Elek, Lolo Moutima, Simon Mailo, Bino va maman à Paris, Gigi Lobo, qu'on a Sika Lobo. Vous expliquez non quoi? Sokina Lobi, Babo Boy, Tamba Kassalaba Yomololo, Bawela Gisiko, Apazi Fou. Tuka misona bino mibali Etonda kala yangote Lelo yomoni imani wata Maproje nyoso na mai Mokanisa kila koti na mayo Pona sikseto pona mbongo na yo Obo sanike hena kola bien Nazima yele pe chanse Nyonso Na kokende na kenda kate Yambala oyo esilie Na kokende na nana bien Zoweti Biju mboma Elise mboma ah, Pietro Mubiala le prince Nidoka umu Hata tora te mwasi kitoko masa le savoa Makile zali nano ya bongwana mana kwa tulate Angana zali kote na mbukse mana to dijou Ton rebel, kire lantri charmanto si Na kwa tulate Owe lese tombe ya kwa sa sœur de me chauffe la te Na kwa tulate Angana zali nangane tole mibali na kwa tulate Ba dijou na ba diama ikele mana kwa tulate Soki olingi vremo koki koko mazo basa le savoa Hanga nazali mwasi kitoko mebabo inga Hanga kitoko lokola alkansel mebabo inga Ah, sensei chule Yena Branko, Elena Hata torate mwasi kitoko mazo le savoa Magile zali nano ya bomwana mana fatulate Angana zali kote na bukse mana todijou Ton babel, kile lambi charmanto si Na fatulate Ode se tombe ya kwa sa sœur de me chauffe la te Na fatulate Angana zali nangane tola mibali na fatulate Magijou na badia maikele mana fatulate Soki olingi vremoko kikoko mazoba sale savoa Angana zali mwasi kitoko mebabo ina Anga kitoko loko la arkansiel mebabo ina Mwako tse mulai Marsa Tutambayi Sea, Sea, Gazega, Sea, Alekina Romba Mika. Alfred Ndakilipe. Gilles Kimpiabi. Freddy Moulongo. Réveil FM. Fini les fiançailles. Kimpiabi au cobala nanio. Fote à nanio. Tinde la cave à Minsango. Démographie. L'état salit recensement. Le vieux Lukundu. Fini les fiançailles. Kimpiabioko bala nanie. Fote ya nanie. Tinde la kafa misango. Démographie. L'état sali recensement. Bona sapate kokina lokolo na yo jideka. Toyaka na mokili poto bala. Tobo tapeto bokolo. Tokolisae. Bangombe babalae. Babota babokolo. Beba kolisae. Bongo na bongo. Nenge mokili epotambola kabo mwana mafilo. Oto tanga bae babala diye. Oto tanga bae babala diye. Soso malabana mikase. Antoni sampayo na peto koe. ai. Mafia, la barre, à Kata Bundesliga, à Maître Kam, Domi Nyengi, Mito Mingengi, Papa Tangwe Zali, Chantal, Bijou, La Poune, Ozali Wolo. Roger Bongo, éloge ma combo. Regarde. Zabo, Jesus Sembo. Ai, ai, ai. Que Dieu Ziana, Bendo Dinganga, vous avez une réponse? Ah, Jean Bakoukas. Kabengele, kabengele, kabengele. Oh, motema e, etonda mikobo kama kama. Oh, bakoko e, botika biso abino bobuma. Yo, mopenzi e, yo bosani olaka kinga yo. Bala seko na seko Olo lendo e Basomba yango posomba teli e Nana bino batu ya mani e Nana lota bolingo oyo odi e Suka nga ina kutu alipomba Ero koto koluka na vimo tema e Mongo pevi asiva Jezu Oh mami Siaka, makila moko, maya kunwa Basi oyo ele kie, ngana leli ye ye ye Ngana leli ye ye ye Hey, Kulutu Morgan, Yife de Gonzaga Yoka Melope, Afogitoro, Corneli Malomi Ya mikolo Esala nga susi Vina nga mobimba Nalina mami Eloko la lisano Moke moke Napomi kozoka Ngoya o Ibe a mokoko Alize mojinga Teri Nathan Afrika House Monga yanda Kwanza mekole la e Nami bongi Singoya o Pezena monsa bima Mamia no bino No no Ale maloko Makati ya mundese Yango nanya yebe pai mopepe usaka tope ne paye lalaka egalite ikeleve atmosfere ango ya nzambe epesingo nkele nkele na se sango sango iyeye ya ntanga mawa Nicole Mopesoe Romelo Kwae adobuka keri mari kumaziwa nikie kele na wangamila panzi panzi beni wakumutimu minango zele Charlie Dangi, le cache permanent, Jean Mayele, Guillaume Ongaï. Ongaï en a quoi jamais pour les laïe, Nami Bongi si moya. Sango a poti a pété na moussa fima, Mami a lobi non. Allez, allez, allez, à déloquer là, bina filé. Zozo malaba, oh potable. Iwanze ba kiri bayaye, kari kari bonge. Iwanze za kiri ba bonge, zana bina kaye. Iwanze za kiri ba waye, anze koyaye. Iwanze za kiri bayaye, omana sako. Iwanze za kiri bayaye, nana komiso. Iwanze za kiri bayaye, lomina makasaye. Iwanze za Alexandre Blanchard et Bombala, Jeannon Vouba, Lucetini, Peuple Juif, Jeanne Moussembi, Jean-Didier Zungani, Nicole Londala, Richard Biévanga, Mifune Kabelva de tous les temps, Tonino Fernando, Claudine Pamplemousse, Annie Baboté, Sokina Ebisino Likambo, Yaman Amo Soyo, Boko Boya. Voyez la petite passée, c'est le quoi, Miliane. Vula mitano yangoyo eko kio ho, bandato bandanga inayo, bosa ele kate, tango ino soko zonga eba ya babotio. Vula mitano yangoyo eko kio ho, bandato bandanga inayo, bosa ele kate, tango ino soko zonga eba ya babotio. Loris Fatou Diopé, Maluna Charoufa, Otale Langa Likambo, Yo Mwana Ilunga. Loris Fatou Diopé, Maluna Charoufa, Otale Langa Likambo, Yo Mwana Ilunga. Si ma tante a mille dosseurs, qu'on glisse, ils ont qu'on poye à te voir. Kodo Kapalaï, Yafino, Pierre et Binda, Nene Lijafaye. Vula mitano yango yo eko kio ho, bandato bandanga inayo, posa ele kate, tango nyo soko zonga eba ya babotio. Vula mitano yango yo eko kio ho, bandato bandanga inayo, posa ele kate, tango nyo soko zonga eba ya babotio. Neje na Claudine, nene na anete, bota le langa likambo hoyo jake ilunga. Neje na Claudine, nene na anete, bota le langa likambo hoyo jake ilunga. Eric Ebuka, tonton da se mampuya. Loazo ye ye ye, yo anoko kende pai ya mama. Kwanu kokele pai ya babotolo Ikambwa bolingo babkoto saga Opo ya masanga heko ya ndena sima Ikambwa bolingo verite ya zambe Nako emba, nako lala, nako kanisa lwazo Nyoso nako mona Nyoso nako mona eko kina kitoko na yete Baka marade nanga ya bolingo Botika botika no kina komi boma Moko na sheri ya kozonga nye Moko na sheri ya kozonga Olwazo bolingo esili na inute Olwazo bolingo esali kaka Soki mbongo ezalakana sila baye Ngo obise ngo victoria ekobola Zonga na fami, zonga na fami no kina komiboma Bolingo lokola ebale Kanta bandela Eko kende pepa luti Betango, Bibina, Mata Bandela, Ai Bolingo, Lokola, Ebale, Bibina, Mata Bandela, Bolingo, Lokola, Ebale, Bibina, Mata Bandela, Bolingo, E Bolingo, E Bolingo, Bibina, Mata Bandela, Zé Picadilly, Isa Mama Nabana, Titi Molato, Yonde Tango Kwa, Mokotebi, l'incomparable Jean-Jacques Mboa, Guy Songo, le Weston, Papi Kocha, Pepe Akunji, Tristan Akwasa, Mogi Bumba, Yoka Kolela Nangaipo, Anzuse Makambo. Alors je n'en ai Sylvain et Boma. Ah! Camarade Fred. Naïbi Kosa Moussika. Petit Nayo. Canisio. Alors Bruno mon bébé. Ma petite Edo. Vous allez la Simanaïo. Ah, misère, misérare. C'est tout, tout. Zerare. Maria, Maria Chantal, Tinela ngai maloba mayo. O motema, motema mwanga, mokola la te kobanza seyo. Maria, Maria Chantal, Tinela ngai maloba mayo. O motema, motema mwanga, mokola la te kobanza seyo. Adem qui l'étrica juvent tout un meam qui fait chez lui un terram miserati omnipotent deus car vitam eteram. Amen. Vince Ndianga Lala na mai mon frère Malili et Bomarana Omotote Franco Kimpiabi David Kibongo Les pieds Lucy. Jouvence, le titulaire. Lettre à mon frère, Agence Courage. Toukara Sidi Mohamed. Mokhtar Mohamed, le sultan de Bolayoulou. Yabati Salae. Nalalali na boutou na loti ba nemeninga fololwe. Inalali na boutou na loti ba kope sanga bouquet de fleurs. José Mubiala Tongo etani nga mango epa ya bankolo na komi komi tuna e Boba zongi seri nga e ya no ezali sinyalamu Tana reveye ezali kakaye na kosite Na reve Elisha komo na mo Ayowe Ayowe oh oh oh Ayowe Ayowe oh oh oh Ayowe La mingite, bafiti bazanga kate bakote li bolingo Nababeti nga batana mokongo balobi boyanga linga bangoe Alingi basa mwisanga na tonda muselu na nzoto bazwanga ite Alingi basa mwisanga bazwanga ite PDG Makambo, Richard Mogigi Nana lali na butu na loti ba memeli nga fololwe Nina lali na butu na loti ba kope sanga bouquet de fleurs Tongo etani nga mbango epa ya bankolo na komi komi tuna e Mba zongi selinga e ya no ezali sinyalamu Nana reveye ezali kakaye na kosite Na reve Elisha omo na mu Ayowe, ayowe, oh oh oh, ayowe, ayowe, oh oh oh, ayowe. Kala mingite, bafiti bazanga kate bakote li bolingo. Kabadeti ngambata na mokongo balobi boyanga linga bangoe. Alingi basa mwisanga na tonda moselu na nzoto bazwanga ite. Alingi basa mwisanga bazwanga ite. Maître Kwebe Wasenga Kimpuni Eloko na Timotema Bango bati miso eyala Eloko na Timotema Bango bati miso eyala Kamare Nzuzi Sende koti na nzoto Kine bima moteme tonane sengo Kotika motema Epe masike ingi ezotamo Sende ekoti na nzoto Kine bima moteme tonane sengo Tika motema nangebe Mesike ngezo atamo Moke mayowe Ayowe Ayowe Ayowe Ayowe Ayowe Dikando, Lolendo, Makanda Serge Kosi Badaninga na motala kae José Mubiala bate kinga na wenza bisula ho Carl Lewis bate kinga lokola mopikwa matembele he Jacques Mobambola bate kinga lokola sosa bitula he Mama he Mama he Awe ya de ko Mama he Yeah, we got. Naila Ramazani, Francis Bimuela, Nakatia USA, et les jeunes Junior McEnroe. How you? I'm fine. Sando yam pasi pola basali inteke, walo yoto mona namboka mopaya. Tongo etani nasi angali sanda, nana ninzela ya moluka nzela oya mokitano. Eko mi biso na Angola, mawa o toko mi konyo kwa malokola bibwele. Maia komela nani ya pesa yo mawa, biloko nyonso sena kwa nzabaninga. Yawe ala yo kela biso mawa, mikela mubia yo hawa onse. Le prince Senzedi, tole la zola madula. Moi Pedro Fidèle Castro, les jeunes suspects de Londres, Narcisse et Beyo pour les frais. Mais le Sinzambe au Pessabiso, comptoir, comptoir et malamou. Oh yeah, Monsieur Pazé, tu me fous mani, Azali, honnête. Asombaka malamou, balance, oh yeah, malamou. Monsieur Pazé, tu me fous mani, moninga, ya Monsieur Grec. Oyo ya verse na kati ya Belgique. Groupe dikine batikali si mate, didikine ni l'infinitif na kati ya kamfufu. Bapri malamu kosomba mpe ya malamu na kati ya kamfufu, na kati ya Angola. Didikine ni topesi dino melesi, yona Monsieur Paz mil paraye. Oh, yeah, Lela, Lela, Lela. savant Jean de Pierre Badianta noble Adelard et Dissika Guy le Parisien Zoba. Simon Blaise, Rostand Luzolo. Sans logis. Angaye, na koko tanganga, amuranga na yo, amuranga na yo. Nene te perotini kanga motema, nana koki na yo, nana koba na yo. Fasi yote, mitakuliza o, mitakuliza o, mitakuliza o. Waibe mokonzi. Roger Diafana, Eric Lemanzila Anga na koko tanganga, amuranga na yo, amuranga na yo Nene te pierotini kanga motema, ngana koki na yo, ngana koma na yo Fasi yote, mitakuliza o Mitakuliza o, mitakuliza o Alashi vava Ezo zoma laba Honore fataki ye Alo bana bango balo mwakuna Kutombo dikembe ate panye Kinshasa, Didier Diame, Suzy Pakalae. Et ça c'est un rythme quoi ta vivre brutal. Ndanda, Léa Kapaba, Claude Tambo, Alemanda. Oyo Kichiba, Yingi Tabujani Boutumbi Bebe Udi Mujila Ninyaya, Aji Chakuba Kuzubu Chichaku Mama Bula Nika Sabanga, Bana Bamba Bakumbi Ninyanzala Mukashi Mwamba Kunima. Tukano wansa wa mbimba lisansa kuna alimuja munda mbunda Abanga takwela lubila mema nulanda mazantowe Kumuwani kumva kutenge beni bani lelu lelu wala dimutu Lwa kubikila epo wani, lwa kubikile Lwa kubikila epo wani Jibutangila, kwa mukanji wa siole Twende tumona, mwana mtoto aye Twende tumona Feli Bola, Dido se Dabana Eli, Sipa, Sipa Kote, Oza, Oza Nali, Nani Store Yo, Nani Store Yo, Shigale Kimvula, Chobu Babaswe, Zakaria, Popesa Mama Diane Mbote, Dipapi Messere Neuf, Patrick Belonga, Jean-Claude Mavambu, Martin Mampangu, Feliko Kambuta, Adela Wombo. Ebongi ba yebisa yo zali moto mala moto pe moto mabe. Ebongi ba yebisa yo zali kitoko to zali mabe. Ebongi bakumisa yo zali moto ya mbongo to pe mozangi ye Kasi hoyo ya yo moko koma komi komi Yo kisoko, yo bambongo Yo moto malamu hawa na mokili kikonetu Yo kitoko, yo bambongo Yo moto malamu hawa na mokili kikonetu Mbavanda kanabato ye, bali ya kanabato ye Batela peto sa bolingo ya baninga bayo Na mwana moi li bosa na yo mwana Patula mpaka ba mwana mpelebe Mokili mbongola bongola Etu atue Mokili bongola bongola Etu atue Soso na yo poteke la mota mosika teke la moto ya pembe niye Mokola kola mbata supa pamba yo komeka salama yele yo moto Songe ya zolo na yo ezali suka mokilite Salangele mwana mama Salangele mwana mama A toi dise Yolanda Mariette Kimpioka Ato zali na bongo mingi pala nini kaka koloba Esengeli ato maze la tolo pitaro potolima Yesu Kristo mwana nzamba kufane kulusu kona biso Akanga kana yete o pie futi saka biso te Yo zala erokote para nini kaka toloba Yei yeah, yei yeah, pa, yei yeah, yei yeah, pa pa Wow wow wow, yei yeah, yei yeah, pa pa Chantale boya motema, Gisle Mayuma Anga mishara tikeli na fumi bawe la si Nanga Michel atikali wa fomi ba wela sukali. Karina nga awa bapanzi fulwe. Bako baka matiti wa pio Sankara wewa Nanga Michel aleli. Papa, yeah yeah yeah, pona nini kaka koloba. JB le courant de Paris. Montambodi kembe, asala kabadon. Croix de makelele, asala kabadon. Mokolo mokote bako mako ganga. Horizon masamba yebisa bango. Hanga Michele, aza mwana Suisse. Atabasa linyo soba koko kayete. Nathalie Pungi Massa, Baleka Zelom de la Mene. Mwana mame wa wobokele. Mwana mame wa wobokele. Daniel Monanteba, Miki Sanda de Luanda, Alain Malassi, Godefroy et Max Yann Mbembe, Henri Kamalangwa, le grand Big Boss, Didier Ditoudidi, Mokonz Antonio, Yuyu Bala, Claude Massamouna, Jimmy Bamanissa, Petit Mongali, Amatou idole de Swag Papi Balou Ibrahim Hassan Papi Kimoya Lisette Lokange Claudine Matadi Claudine Kinoa Kams Kamizo Toujou Mwanga l'international Pino Semideta Gabriel Coco de Raya, Ziblento Consumir.